بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée dont nous avons béni les abords afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Nous avons donné à Moïse le livre dont nous avons fait un guide pour les enfants d'Israël, leur disant « Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avions transportés dans l'arche avec Noé, et ce dernier était vraiment un serviteur reconnaissant. » إلى في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils recevront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un douloureux châtiment. L'homme prie pour obtenir le mal comme il prie pour obtenir le bien, tant il est impatient de nature. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Puis nous avons obscurci le signe de la nuit et avons rendu visible celui du jour pour que vous recherchiez les bienfaits de votre Seigneur et pour que vous puissiez connaître le nombre des années et calculer le temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة complètement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Et ton Seigneur suffit pour connaître à fond les péchés de ses serviteurs et les observer. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Quiconque désire la vie présente, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis, nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et rejeté. Et quiconque désire l'au-delà et fournit les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, alors les efforts de ceux-là seront reconnus. Nous accordons à tous, à ceux-ci comme à ceux-là, des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne seront refusés à personne. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Vois comme nous favorisons certaines personnes par rapport à d'autres, et dans l'au-delà, il y aura de plus hauts degrés et de plus nombreux privilèges. N'associe pas d'autre divinité à Dieu, ô homme, sinon tu te retrouveras méprisé et rejeté. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, garde-toi de leur marquer la moindre répulsion ou de leur manquer de respect. Adresse-leur toujours des paroles respectueuses. Fais preuve d'humilité envers eux, témoigne-leur ta tendresse et dis « Ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qui... » وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Si vous êtes vertueux, alors il est certes pardonneur envers ceux qui reviennent à lui. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Et ne gaspille pas tes biens dûment. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu dois t'éloigner des solliciteurs, pour partir à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères. Alors adresse-leur au moins des paroles bienveillantes. Et n'enchaîne pas ta main à ton cou par avarice, mais ne l'attends pas non plus outre mesure. Tu éviteras ainsi tout blâme et tout regret. Certes, ton Seigneur rend abondants les moyens de subsistance de qui il veut, et il les restreint à qui il veut. Certes, il connaît et voit parfaitement tous ses serviteurs. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous subviendrons à leurs besoins comme aux vôtres. Les tuer est vraiment un énorme péché. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Et n'approchez point de l'adultère, c'est une abomination et un mauvais chemin à suivre. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et, sauf pour une juste cause, ne prenez pas la vie que Dieu a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, nous avons donné à son héritier l'autorisation d'exiger le talion. Mais qu'il ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez des biens de l'orphelin que pour en user au mieux de ses intérêts, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez toujours à en répondre. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donnez la pleine mesure lorsque vous mesurez, et effectuez vos pesées à l'aide d'une balance juste. C'est plus honnête, et les suites en sont meilleures. Ô homme, ne suis pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance, car on aura à répondre de son ouïe, de sa vue et de son cœur. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Et quand tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Ils ne recouvrons leur cœur d'un voile et affectons leurs oreilles d'une surdité, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand, dans le Coran, tu fais mention de ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos avec aversion. Nous savons très bien ce qu'ils souhaitent entendre, et lorsqu'ils tiennent conseil secrètement, les injustes disent « Vous ne faites que suivre un homme ensorcelé ». انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا Vois ce à quoi il te compare. Il s'égare donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils demandent, quand nous serons réduits à l'état d'ossements et de poussière, serons-nous vraiment ressuscités en une nouvelle création ? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا Dis, soyez... Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne possèdent nullement le pouvoir de faire disparaître votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent espèrent eux-mêmes trouver le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, même ceux qui en sont le plus proche. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment, car le châtiment de ton Seigneur est vraiment à redouter. قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Il n'y a point de cité injuste que nous ne détruirons avant le jour de résurrection ou que nous ne châtierons d'un terrible châtiment. Cela est écrit dans le livre des décrets. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est... أَكْمَامًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau en mer pour vous, afin que vous alliez à la recherche de ses bienfaits. Il est certes toujours miséricordieux envers vous. Et quand le danger vous guette en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui vous abandonnent. Puis, quand il vous ramène sain et sauf à terre, vous vous détournez. L'homme est vraiment très ingrat. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Vous sentez-vous à l'abri d'être englouti par une étendue de terre ? Par la permission de Dieu, avez-vous la certitude qu'il ne vous enverra pas une tempête de sable? Et vous réaliserez alors que vous n'avez aucun protecteur. Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous ramène en mer une autre fois? Qu'il déchaîne contre vous un ouragan et vous noie à cause de votre ingratitude. Et alors, vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous appellerons chaque groupe d'hommes avec son chef. Ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite le liront avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Il sera encore plus éloigné de la bonne voie. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Leur but était de te détourner de ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir que tu inventes quelque chose d'autre et que tu nous l'attribues. Dans ce cas, ils t'auraient certainement pris pour ami. Et si nous ne t'avions pas affermi, tu aurais peut-être été bien prêt de pencher quelque peu vers eux. Dans ce cas, nous t'aurions fait goûter un double châtiment en cette vie et un double supplice dans la mort, et tu n'aurais trouvé aucun secoureur pour te défendre contre nous. Te persécutant sans trêve, leur but était également de t'inciter à fuir le pays, mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Telle fut la règle que nous avons appliquée aux messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement dans notre règle. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et récite le Coran à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Et consacre une partie de la nuit avant l'aube à des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position glorieuse. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Monseigneur, fais que je rentre par la porte de la vérité et que je sorte par la porte de la vérité. Et accorde-moi, venant de toi, un pouvoir qui pourra m'aider. Et dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Du Coran, nous révélons ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Et lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Et ils disent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre une source pour nous. Ou que tu aies un jardin de dattiers et de vignes entre lequel tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel par morceaux. Ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous. Ou que tu possèdes une maison ornée d'or, ou que tu montes au ciel. Et même là, nous ne croirons à ton ascension que si tu fais descendre pour nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, ô Mohammed, gloire à mon Seigneur, je ne suis qu'un simple mortel, envoyé par Dieu à mes semblables. الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Rien n'empêcha les gens de croire lorsque la vérité leur parvint, si ce n'est qu'ils dirent : Dieu a-t-il envoyé un mortel comme messager ? Dis : S'il y avait sur terre, à la place des hommes, des anges marchant tranquillement, c'est alors un ange que nous leur aurions fait descendre du ciel comme messager. Dis, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il connaît bien ses serviteurs et voit parfaitement tout ce qu'ils font. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Celui que Dieu guide est toujours sur la bonne voie, tandis que ceux qu'il laisse s'égarer, tu ne leur trouveras jamais de protecteur en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons tous en les traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure, chaque fois que son feu s'affaiblit, nous en accroissons l'ardeur. Telle est leur rétribution pour avoir refusé de croire à nos signes, et aussi parce qu'ils ont dit, quand nous serons ossements et poussières, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Ne voit-il pas que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer des gens pareils à eux et qui leur a fixé un terme au sujet duquel il n'y a aucun doute. Mais les injustes rejettent tout, sauf l'incroyance. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Dis-leur, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoriez sûrement, de peur de les dépenser, car l'homme est très avare de nature. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Et nous avons certes donné à Moïse 9 signes évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il vint à eux, et que Pharaon lui dit, « Ô Moïse, je crois que tu es ensorcelé. » Moïse dit, « En vérité, tu sais très bien que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre ces signes comme preuve. Quant à moi, je considère que tu es perdu, ô Pharaon. » Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.